Générer activement de la beauté dans sa vie. Donc, c'est sûr que si l'individu attend passivement que les membres de la famille, que le gouvernement ou les médias génèrent de la beauté, c'est-à-dire une vibration qui est haute, une vibration qui est belle, une vibration qui est vitalisante, qui est porteuse de santé, de régénération, eh bien, la personne risque d'attendre longtemps. D'où la pertinence d'être actif puis générer ça par soi-même. Donc, il existe plusieurs moyens pour engendrer de la beauté. Et l'un des moyens, c'est au niveau psychique, à travers l'utilisation de d'énoncer. Donc, par exemple, je vais en faire là, dans les prochains instants pour m'installer dans la beauté. Donc, je vais y aller avec ce qui va venir dans ma psyché. Ça va être improvisé. Ça va être spontané. Donc, je génère et installe de la beauté dans ma conscience. Je génère la paix dans mon esprit et ça, peu importe qu'est-ce qui arrive dans mon environnement. J'installe la beauté et l'harmonie dans le lieu où je vis pour que, à chaque fois que j'entre chez moi, je sois en contact avec un éther, donc avec un espace qui est propice au ressourcement, propice à la régénération, propice à la santé. Je me régénère sur le plan psychique en utilisant la force de ma volonté pour m'installer dans un état de paix de l'esprit et de m'y maintenir. J'installe dans ma vie le sens de l'humour pour être capable d'être détaché de la forme et des éléments oppositionnels auxquels je peux être exposé dans mon quotidien. J'installe la joie de vivre dans mon existence pour que les choses se fassent avec une certaine légèreté, facilité, donc dans un état d'être qui est agréable, propice à la santé, propice à l'épanouissement personnel. J'installe maintenant la volonté de faire croître en moi l'intelligence qui me garde dans la paix de l'esprit, qui m'indique avec discernement ce qu'il y a à faire ou non en vue de préserver la paix de l'esprit en termes d'actions concrètes que je peux poser dans mon quotidien. Donc, c'est sûr que je me donne le droit d'amplifier la puissance de ma volonté pour faire face aux vibrations oppositionnelles, aux vibrations dissonantes, discordantes, aux vibrations astrales du collectif de l'humanité dans lequel je me situe. Donc, je me donne la force de volonté pour rester stable dans le mental, dans un état agréable, et ça, peu importe la tournure des événements que subissent les gens de mon environnement immédiat ou les gens de mon environnement en termes de pays et d'humanité. Donc, peu importe à quoi vibre l'humanité, je m'occupe activement de vibrer à un état de vitalité et de paix de l'esprit. Je me donne le pouvoir de convertir les énergies discordantes auxquelles je suis exposé en les convertissant en lumière. Donc, je me donne le droit de faire éclater les formes qui manquent d'ajustement pour que l'énergie soit relâchée dans le cosmos et libérée. Je me donne le droit de m'emplir d'une énergie de vie vitalisante, harmonisée avec la dimension de cosmique de mon être pour me permettre de me maintenir dans un état de centricité, dans un état qui me permet de passer une belle journée. Donc, c'est sûr qu'au moment où je prononce ces mots, il est le matin où je fais cet enregistrement, dans l'optique de m'installer dans une vibration agréable dans laquelle je vais me maintenir pour la journée d'aujourd'hui et les autres. Donc, je commande à mon corps de générer tous les éléments qui favorisent ma santé, mon bien-être, mon épanouissement, Je commande à mes organes de fonctionner en fonction de qu'est-ce qui va permettre à ma santé de se maintenir. Je me rends disponible à toute idée intelligente qui pourrait provenir du cosmos en vue de favoriser ma paix de l'esprit, ma santé, mon équilibre psychique. Je me rends disponible à la beauté, je m'ouvre à la beauté que je peux percevoir dans l'environnement. Donc, je énonce ma volonté de m'installer dans un état tel qu'il ne saurait être amélioré. Donc, je vais être dans la plénitude constamment. J'ose être autonome dans ma vie pour me manifester en conscience, dans mon expression, dans ma parole. J'utilise la parole comme un pouvoir de transmutation énergétique, en ce sens que si je suis happé par l'astralité du monde, je suis capable d'utiliser la parole pour générer une énergie qui va dépolariser la polarité astrale auquel je peux être exposé et à ce moment-là établir un état de paix mentale. Je me rends disponible à les éthers de beauté qui existent dans l'univers pour me ressourcer. Je me branche à la supraconscience. Je me branche à un état de conscience qui, présentement, est encore peu accessible à l'ensemble de l'humanité, mais c'est pas parce qu'il y a peu de gens qui vivent cela que je vais me priver de me connecter psychiquement en liaison à ce cloud, à ce nuage psychique qui existe en support aux êtres qui ont la volonté de s'y rattacher pour bénéficier de l'énergie vitalisante qui y réside. Car la vitalité provient du plan éthérique, qui est la nature du réel, par-delà du réel sur le plan physique, d'où émane la créativité, la nouveauté. Je me rends disponible à la créativité dans ma conscience, à la nouveauté. Je me permets de faire des choses qui me sortent de ma zone de confort, des croyances, des préjugés, pour me rendre disponible à un renouvellement intégral de mon être. Je laisse circuler l'énergie cosmique à travers moi. C'est intéressant, ça me dit de le répéter avec plus d'intensité. Je laisse et me rends disponible à l'expression et à la circulation de l'énergie cosmique à l'intérieur de moi qui provient de mon être fondamental, c'est-à-dire qui est plus moi-même que moi-même, pour reprendre un bel adage, c'est-à-dire que c'est plus moi-même que moi en tant qu'ego, c'est moi au niveau cosmique. Car en réalité, il n'existe qu'une seule chose dans l'univers. Il n'y a qu'un champ quantique qui cherche, en tant que potentialité, à se manifester à travers différents individus. Donc, je me rends disponible à la beauté dans mon existence, dans la vie, et surtout, j'agis en conséquence pour m'entretenir dans la beauté, car il ne suffit pas juste de faire des énoncés pour s'installer dans la beauté. Il faut être capable de s'y maintenir activement, surtout dans le cadre d'une crise mondiale que subit l'humanité, comme celle présente là, où je fais cet enregistrement du coronavirus COVID-19. Donc, la crise peut engendrer des débordements astraux au sein de certains individus, d'où la raison pour laquelle bien, il faut installer davantage la beauté en soi si on se sent affecté, par exemple, par des nouvelles qu'on voit à la télévision. Je me donne le pouvoir de transmuter des énergies qui abaissent la vibration auquel je suis exposé pour utiliser puissamment ma volonté pour me maintenir dans un maintenant plein d'énergie dense en vitalité, dans un état d'être total et intégral. Donc, voilà mon intention que j'active sur le plan énergétique en la prononçant à voix haute. Et voilà où je voulais en venir en utilisant la parole en ce début d'enregistrement. Sinon, pour ce qui est de la beauté, eh bien, c'est sûr qu'activement, pour la générer dans le concret, je vais faire des choses qui me font du bien, comme par exemple de prendre un bain chaud. Donc ça, c'est très agréable. Écouter de la musique agréable aussi pour me détendre. Flatter mon chat également. Donc, je fais différentes choses qui vont agrémenter ma vie, d'être présent à l'environnement, d'être capable de savourer une marche en forêt, d'apprécier les couleurs, d'apprécier la sensation du vent sur ma peau, ou d'apprécier le contact corporel du chat qui va se poser sur moi et se mettre à ronronner alors que je suis en train de le flatter. Donc, d'apprécier cet état de communion que je peux vivre avec mon animal de compagnie. Donc, d'apprécier par la suite la musique que je peux écouter sur Internet, comme par exemple la musique classique qui est porteuse d'une certaine beauté. Donc, par la suite, bien, c'est sûr que la beauté, on peut la célébrer, c'est sûr, à travers son logement. Donc, c'est sûr que dans mon cas, j'ai mis un peu partout dans mon logement, puis ça fait plusieurs années, des spirales. Donc, c'est des décorations en forme de spirales avec des cristaux dedans. Ce n'est pas des vrais cristals, là, mais c'est des cristaux en plastique. Mais à chaque fois que je regarde ça, ça me fait du bien, ça me détend. Donc, je reste entouré de ça. Il y en a dans la salle de bain, il y en a dans la salle à manger, également dans le salon, pour me maintenir puis m'entretenir dans la beauté. C'est sûr que sinon, bien, il y a aussi des peintures chez moi que je vais regarder pour me ressourcer. Donc, c'est sûr que dans le concret, bien, ça peut être de faire de la décoration intérieure. Ça peut être aussi naturellement de garder l'appartement ou le lieu qu'on vit. Ça peut être une maison aussi en ordre pour se maintenir dans la beauté. Et aussi d'installer dans le lieu, avec force et intensité, une intention de conscience que le lieu se maintienne dans la beauté. Donc, pour que, à quelque part, à chaque fois qu'on se retrouve dans le lieu, on se sente bien, puis qu'il y a une association psychique par rapport au lieu et à la beauté. Donc, que le calme soit installé dans le lieu, l'énergie intrique, c'est-à-dire l'énergie de notre être total, donc notre être qui est de nature multidimensionnelle, il soit installé pour qu'il y ait une densité énergétique qui soit présente, qui harmonise les états de discordance auxquels on pourrait, par exemple, être happé en sortant de chez soi. Donc, c'est sûr que si on ramène chez soi de l'astral, ben, on peut codifier le lieu pour que l'astral se dissoute, les énergies résiduelles astrales, le mémorial, les attaches avec des entités astro qui font des attaques psychiques, soient éliminées dans le lieu où on vit pour le remplir d'une lumière tellement puissante que l'emprise astrale n'a pas lieu parce que la vibration est plus forte que les flèches énergétiques que ces êtres peuvent envoyer dans notre direction. Et c'est sûr que pour se maintenir dans la beauté, il faut une volonté d'entretenir la beauté et ça prend une capacité d'autodéfense psychique. C'est pas une beauté qui, dans le fond, se vit avec une passivité. Ça se vit activement avec une volonté et une capacité de contestation de toute forme astrale qui pourrait aller à son encontre. Et c'est sûr qu'en période de crise mondiale, beaucoup de gens sont dépressifs, beaucoup de gens sont ébranlés. Eh bien, ça peut demander encore un peu plus d'énergie pour se maintenir dans la beauté, parce que lorsqu'on sort de chez soi, on va à l'épicerie, on va dans des lieux publics, c'est sûr qu'il y en a plein que le niveau de morale, l'état psychologique est dégradé. D'où la pertinence de renforcer sa vigilance pour s'entretenir dans la beauté et d'avoir la puissance de s'opposer à toute intrusion astrale non désirée à l'intérieur de sa psyché. Et pour se maintenir dans la beauté puis la paix de l'esprit, ça prend une volonté inversement proportionnelle à faire face à toute l'adversité qui ne va pas dans ce sens-là. Et pour rester centrique, c'est un tour de force. Parce que c'est sûr que d'être dans la beauté, dans un contexte de confort matériel relatif, où les gens, ça va assez bien dans leur vie, c'est une chose. Mais dans un contexte où les gens sont extrêmement stressés, sont tendus, à mesure que les mois passent et à mesure que les gens sous tension deviennent de plus en plus, dans certains cas, irritables à cause que la crise se continue dans le temps, de ne pas être ébranlé par la crise, de ne pas être ébranlé par les gens de l'environnement, eh bien, ça prend une volonté puissante. Et c'est sûr que le contexte actuel est extrêmement propice au travail qui permet à l'individu de développer une volonté de se maintenir dans la paix de l'esprit. Et ça, peu importe la nature des événements. Donc, ça demande une grande centricité. Et ça, d'autant plus que lorsqu'on apprend des nouvelles, comme récemment, il y a été question d'un individu qui s'est fait décapiter. Donc, un professeur qui s'est fait arracher la tête en France, étant donné que lors d'un cours qu'il aurait donné, donc c'est rapporté par les médias, portant sur la liberté d'expression, il aurait parlé de caricature de Mahomet, et bien entendu, il y a des gens qui n'ont pas apprécié ça, et ont décidé de le tuer à cause de ça. Donc, on vit dans une époque, naturellement, où l'intégrisme religieux, le fanatisme, n'est pas en pause pendant la période de la crise du coronavirus. Donc, c'est sûr que les gens qui ont un agenda pour s'opposer, dans le fond, à des individus, justement, là, qui vont pas dans leur sens, eux autres, c'est sûr que leur agenda continue. Donc, l'agenda de l'intégrisme religieux, quand même qu'il y a la crise du coronavirus, puis le Québec a été sur pause, inquiétez-vous pas que l'intégrisme religieux n'est pas sur pause. Puis d'autres problématiques sociales non plus, il faut comprendre ça. Et c'est sûr que, dans le fond, présentement, par rapport à la problématique de l'intégrisme religieux, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, je vais demander au plan de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que présentement, il y a des entités sur le plan astral qui influencent des individus pour les amener à implanter une dictature à caractère religieux. Ils ont ça comme agenda. Puis, eux autres, ils veulent éliminer les oppositions à la dictature religieuse. Et ce que fait les entités astrales, c'est qu'elles vont fanatiser des individus très forts dans leur affiliation à certaines formes. Et les amener, voire même à tuer ou à commettre des crimes extrêmement horribles. Et il y a des gens qui sont possédés par l'astral. Et il y a des gens qui sont fragilisés par la crise présentement du coronavirus qui les amène à être plus stressés, plus tendus, plus, bref, disponibles à l'astral. Et il y a des gens parmi eux, c'est sûr qu'ils ne sentent pas bien dans certaines sociétés et qu'ils veulent les influencer, puis sous l'influence de l'astral, c'est sûr qu'ils veulent en venir à mettre en place une dictature à caractère religieux. Et c'est sûr que ce qui est particulier, c'est qu'il y a des gens qui croient tellement fortement à des éléments qui proviennent de l'astral qu'ils peuvent tuer en lien avec ces éléments-là, donc en fonction d'une programmation. Donc c'est sûr qu'il y a des programmations où les individus croient sincèrement faire le bien. Donc, ils croient faire le bien pour le salut de l'humanité, pour le salut de leur âme, pour faire de la Terre un monde meilleur, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de commettre des actions sous influence astrale parce qu'ils ne le voient pas. Ils sont dans un état de possession avancée, puis le fait qu'ils souffrent, bien, ça les rend disponibles à un état de possession. Donc, c'est sûr que présentement, il y a beaucoup de gens que leur état de santé mentale est atteint par, entre autres, la crise qui perdure. Ensuite, des frustrations personnelles, il y a des frustrations sociales, il y a des frustrations politiques, familiales, etc. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait, dans certains cas, des individus qui vont commettre certaines actions extrêmement violentes en relation avec les états de souffrance qu'ils vivent et leur affiliation psychique avec le plan astral. Donc, c'est très important présentement d'être vigilant, de regarder si on est supporté par l'esprit dans ce qu'on fait pour pas par la suite en vivre les contre-coups parce qu'il y a des gens qui sont un peu comme des bombes qui peuvent facilement exploser. D'ailleurs, on le voit au niveau du terrorisme, il y a des gens qui se font éclater avec des bombes sur leur corps. Donc, il y a eu ça là, dans le passé, puis le phénomène du terrorisme, naturellement, n'est pas disparu avec le coronavirus. Donc, il est très possible que dans l'avenir, il y en ait encore. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des gens qui sont astralisés. Et si je pose la question au plan de la lumière, qu'est-ce que ça va prendre pour que ça change? Bien, ça va prendre des chocs de civilisation pour qu'une volonté plus ferme au sein de la population soit là pour maintenir et favoriser la liberté d'expression et de dire non, stop, ça finit, le terrorisme. Donc, de contrecarrer la radicalisation avec, entre autres, des actions qui vont être mises en place par des gens là, dans la société. Donc, il peut y avoir de la sensibilisation qui peut être faite là, pour aviser les gens des limites des croyances, les risques de la dérive sectaire, et ainsi de suite. Ça existe déjà. Il y a des actions policières aussi pour, dans le fond, emprisonner ou contrer la menace terroriste. Ça existe à ce niveau-là. Mais éventuellement, il va falloir que la société aille plus loin puis découvre que la pensée vient d'ailleurs. Et d'éduquer les gens dès l'enfance avec un cours de psychologie multidimensionnelle à composer intelligemment avec la pensée pour ne pas être radicalisé, rendu à l'âge adulte, puis commettre des actions terroristes comme se faire exploser avec une bombe au nom d'une idéologie. Donc, mais c'est sûr que ce qui arrive, c'est que les gens, présentement, on est mal éduqués en Occident, entre autres, parce qu'on n'a pas, dès l'enfance, dans le cadre du système éducatif, accès à des données qui nous permettent de comprendre la multidimensionnalité du réel, de comprendre qu'il existe un plan invisible, qu'il existe aussi d'autres plans qu'il existe un plan physique visible et d'autres plans invisibles. Donc ça, on n'a pas accès à ces informations-là. Et aussi, ben, c'est sûr que ça va prendre une amélioration des conditions de vie des gens. Donc, un plus grand accès au travail, à l'éducation, à l'alimentation. Donc, il y a des conditions de vie qui sont favorables à l'épanouissement individuel. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau, il ne cherchera pas à se faire exploser avec une bombe ou à décapiter des gens. Donc, à quelque part, il faut comprendre que les conditions de vie ont une incidence. Il y a l'état psychique aussi. Et c'est sûr que par rapport à ça, quelqu'un qui rumine continuellement du noir, il est sous influence astrale, et l'astral amplifie de par des pensées réflectives la haine que peut avoir un individu par rapport à d'autres personnes qui ne vont pas dans le même sens, qui n'ont pas, par exemple, les mêmes croyances religieuses ou les croyances sociales qui divergent. Bien là, c'est sûr que si l'astral invite intérieurement une personne à commettre un meurtre ou un acte terroriste, ben, puis la personne pense que c'est elle qui pense, si elle reçoit cette pensée-là, qu'elle va interpréter en termes de jeu, ben, c'est là qu'elle peut être piégée, puis à commettre un acte extrêmement destructeur, un acte qui est anti-homme en lien avec l'astral. Mais tant que l'astral ne sera pas dévoilé à l'ensemble de l'humanité et qu'il n'y aura pas une reconnaissance de son existence de par l'ensemble des gouvernements, donc, tant qu'il n'y aura pas une réinvention sociale fondamentale dans le rapport des gens à l'occulte qui fera consensus, bien, à ce moment-là, il va y avoir encore des manipulations qui vont provenir des plans occultes à l'encontre d'individus, puis là, il va y avoir des psychiatres qui ne comprendront pas trop qu'est-ce qui se passe, parce qu'eux autres qui ont une vision matérialiste, bon, ils vont regarder c'est quoi les antécédents de la personne. Oui, ça peut faire un travail à un certain niveau, de regarder que si l'enfant, par exemple, a été victime de violences physiques, d'intimidation quand il est jeune, puis par la suite, il se fait exploser avec une ceinture de dynamite, il peut avoir des liens. Si l'enfant a été victime de violences, d'un endoctrinement religieux pendant plusieurs années, ça peut avoir une incidence. Mais ça, c'est l'aspect au niveau symptomatique de la forme de l'activité astrale. Mais tant que les gens qui sont des juges, des psychiatres, des responsables des autorités des différents pays, n'ont pas une capacité de lecture vibratoire de l'individu, ben à ce moment-là, ils vont pouvoir percevoir les symptômes de la manifestation de l'astral, mais ne pourront pas court-circuiter la vibration astrale dans sa racine. Donc, autrement dit, il y a des gens qui vont faire des observations, ils vont dire « c'est sûr que les messages haineux qui sont divulgués par exemple, par rapport à un groupe de personnes régulièrement sur le web, dans certains forums ou dans certains lieux publics auxquels des gens sont exposés, peut avoir une incidence ou l'exposition à des jeux vidéo ou l'exposition à des armes à feu qu'on peut acquérir facilement, comme c'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Ça peut avoir une certaine incidence, mais tant que il n'y aura pas d'action qui va être, dans le fond, entreprise pour neutraliser la cause à la base du grand mal planétaire qui est associé à l'astralisation de beaucoup d'êtres qui y résident, tant qu'il n'y aura pas une volonté ferme de mettre fin à l'égrégore astral, eh bien, il n'y aura pas de changement en profondeur qui va s'opérer à la surface de la Terre. Il va y avoir des changements pour des subtilités au niveau de la forme qui peuvent rehausser le niveau, par exemple, de donner accès à une psychologie dès l'enfance qui va tenir compte du respect de l'autre davantage ou faire de la méditation là, en pleine conscience. Parce que ça se fait présentement, là, il y a des écoles là, qui pratiquent la jeune âge avec des jeunes enfants, la méditation pleine conscience. Oui, ça a une certaine utilité. Oui, ça peut rehausser le niveau psychologique d'enfants plutôt que les endoctriner dans une religion. Ça, c'est clair. Par contre, c'est insuffisant pour permettre de déloger totalement et en profondeur l'astral qui occasionne des dégâts sur Terre, qui amène des individus à agir contre d'autres individus et commettre des crimes. Mais c'est sûr que ce qui arrive, c'est que les gens, pour avoir une compréhension de l'astral, doivent avoir accès à une conscience supramentale, et ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir accéder à une conscience supramentale pour y accéder, parce que sinon, tout le monde pourrait dire « Ah, je vais être dans la conscience supramentale puis accéder comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. » Il y a des raisons de programmation, il y a des raisons de contenance de l'énergie supramentale parce qu'elle peut créer des chocs, elle peut déstabiliser. Mais tant qu'il n'y aura pas de masse critique d'êtres qui ont accès à une conscience supramentale, bien, c'est sûr que des désordres sociaux comme des attentats, terrorisme, le fanatisme religieux, ils risquent, bien entendu, d'en avoir encore. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'installer activement dans un état de bien-être intérieur, dans un état de paix de l'esprit, installer la beauté dans sa vie, et ça, peu importe qu'est-ce qui arrive dans le monde, pour se maintenir dans un état qui nous rend disponible à être cohérent, à être fonctionnel dans sa vie, et de maintenir un moral qui est là. Parce que c'est sûr que si quelqu'un est ébranlé par la crise du coronavirus, ensuite il est ébranlé parce qu'il apprend dans les nouvelles qu'une personne a été démembrée, ensuite, la personne est ébranlée parce qu'il apprend qu'à un autre endroit dans le monde, il y a eu un accident important d'avion. Il est ébranlé pour ci, il est perturbé pour ça. La personne n'est jamais libre. Et c'est sûr qu'il y a une gestion aussi à faire en termes d'alimentation psychique. Et la personne que vous parle n'est pas exclue de ça. J'ai réalisé que la différence entre cette année et l'année passée, dans ma vie, c'est que l'année passée, j'écoutais des bulletins de nouvelles en diagonale et j'écoutais souvent de la musique agréable le matin et j'écoutais des enregistrements de Bernard de Montréal qui me gardent dans une belle vibration. Puis là, cette année, la différence, c'est que j'écoute toujours les bulletins de nouvelles en diagonale, donc les médias mainstream, mais je passe beaucoup de temps à écouter des lanceurs d'alerte. Puis dans les deux cas, c'est surtout dépendant des individus, là, je peux quand même faire une nuance, mais par rapport aux médias de masse officiels, puis par rapport aux médias alternatifs, il y a beaucoup de gens qui sont dans des états de souffrance émotionnelle, donc il y a des états de souffrance parce qu'il y a des gens qui ont peur du virus, puis il y a des états de souffrance aussi parce qu'il y a des gens qui ont peur des conséquences de la crise associée au coronavirus, sur la psychologie des gens, sur l'économie mondiale et autres. Donc, il y a plein de gens qui ont peur à différents niveaux. Donc, il y a des gens qui n'ont pas peur du virus, puis ils ont peur des conséquences. Puis, il y a des gens qui ont plus peur du virus que des conséquences sociales et économiques associées à ça. Et bref, j'ai réalisé que dans certains cas, puis vous ferez l'étude vous aussi, c'est que ce que j'ai fait dans les derniers jours, puis au fil des mois, c'est que je me suis imprégné de la vibration de certains lanceurs d'alerte qui, dans un contexte normal, psychiquement parlant, c'est des gens que je ne fréquenterais pas, c'est-à-dire que je me syntoniserais pas à leur vibration pour me ressourcer. Parce que leur vibration est perturbée, est remplie de tristesse. Dans certains cas, il y a de la fanatisation. Il y a certains lanceurs d'alerte que je trouve qu'ils exagèrent, au même titre que certaines personnes dans les médias de masse qui beurrent épais là, par rapport à la menace et au danger du coronavirus. Donc, il y a des manques d'ajustement. Puis ce que je réalise, c'est que j'ai à m'exposer volontairement à la beauté. Donc, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, je vais voir les médias officiels, les médias alternatifs aussi sur Internet, donc des gens qui présentent une information autrement. Mais j'ai à m'occuper de moi d'abord pour rester dans la beauté, pour pas m'imprégner de la laideur, puis des vibrations dissonantes de gens en crise, en état de désespoir, que ce soit dans les médias alternatifs ou officiels. Donc, c'est sûr que ça me demande aussi de m'exposer à ces médias-là, un travail de transmutation constant, parce que si je me laisse imprimer de ces énergies-là comme une éponge, ben ça peut atteindre mon moral. Donc, de voir des gens qui sont constamment en colère par rapport à la crise et qui, dans le fond, il y en a certains là qui vivent beaucoup à la peur, ben d'être exposé à de la peur, puis constamment, surtout que lorsque je sors de chez moi, je vois qu'il y a des gens qui vivent beaucoup à la peur ou sont dans un étau qui est pas très énergisant, ben il faut que je me préserve psychiquement. D'où le fait que présentement, ben je profite de l'enregistrement pour m'installer dans la beauté. Et c'est simple, hein? Pour s'installer dans la beauté, il faut focusser son attention sur la beauté, les choses agréables. Il y a une dimension psychologique là-dedans, c'est un petit peu comme l'histoire du verre d'eau. Quelqu'un qui voit un verre d'eau, il est à demi-vide, l'autre, il le voit, il est à demi-plein. Donc, c'est sûr que si, par exemple, je centre mon attention dans un état de gratitude par rapport au moment agréable que je passe en compagnie de mon chat, que je vais flatter, et que j'ai comme intention de conscience qu'à chaque fois que j'entends le son du chat ronronner, je me ressource simultanément à son contact, eh bien, je me sens beaucoup mieux dans ma peau que de m'identifier psychologiquement aux victimes qui ont été exposées à un attentat terroriste ou à un crime crapuleux dans les bulletins de nouvelles, qui sont dans un état de détresse psychologique lorsqu'ils prennent la parole au micro devant un journaliste. Donc, vous voyez, ce que je veux en venir, c'est que présentement, à travers Internet, on peut être en interface psychique, c'est-à-dire en relation psychique avec plein de choses. Et consciemment, je décide d'être en relation privilégiée avec la beauté. Puis il n'y en a pas beaucoup. Pour me mettre dans une belle vibration, là, je me suis remis à écouter des enregistrements de Bernard de Montréal de la période où il était interviewé par Richard Glenn. Donc, j'apprécie en particulier cette collection d'enregistrements. Et c'est sûr qu'il y en a là, sur le web là, qui sont présents là, un peu partout, là, dont YouTube. Et ce que j'appréciais, c'était l'état psychique dans lequel était Bernard, très impersonnel, lorsqu'il répondait aux questions de Richard, et on sentait l'émergence de la vibration, de l'information à travers lui. Donc, psychiquement, qu'est-ce que je choisis présentement? Je choisis de me brancher psychiquement à ce type de vibration qui me met en contact avec l'énergie supramentale, de m'entretenir là-dedans, plutôt que de m'entretenir avec des bulletins de nouvelles, puis avec des gens qui sont stressés, qui sont tendus, qui sont fragilisés, qui sont irritables. Donc, voilà ce que je fais. Puis sinon, dans le concret, ben, je vais faire souvent des activités de tai chi, de méditation aussi. Donc, des mouvements de yoga qui favorisent la souplesse du corps. Donc, il y a différentes choses comme ça que je vais faire dans la vie pour me garder dans une vibration qui est haute. Et se préserver dans une vibration qui est vitalisante, c'est un travail de tous les jours. Parce que présentement, sur Terre, il y a une masse psychique astrale qui est très grosse. C'est sûr qu'il n'y aurait pas cet égrégore-là d'énergie, ça serait facile. Il suffirait de tout simplement se brancher à l'égrégore du collectif, si le collectif serait ajusté, puis faire un copier-coller, puis on serait bien automatiquement. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Donc, pour être bien dans sa peau, ça demande, surtout en contexte de crise comme on connaît, ça demande une volonté extrêmement puissante. Et dans le fond, indirectement, ce que j'observe, c'est que la crise présentement m'amène à développer ma volonté de me maintenir dans un état de bien dans ma peau. Parce que là, je peux pas tout simplement dire « je vais écouter le bulletin de nouvelles puis je vais m'imprégner dans un état de bien-être » ou « non, je peux pas faire ça, je peux pas dire « je vais aller écouter un film au cinéma pour être bien dans ma peau ». Non, le cinéma est fermé. Même chose pour le restaurant au moment où je vous parle. Je peux pas aller me détendre en allant prendre un beau repas dans un restaurant. Non, les restaurants, c'est plus possible. Donc, en étant dans un contexte de confinement, la seule chose qui me reste à faire, c'est d'installer la beauté dans ma psyché. Parce que je peux pas, ou c'est très limité dans l'utilisation que je peux faire de l'environnement pour générer de la beauté dans ma vie. Donc, voilà le point que je voulais amener aujourd'hui dans le cadre de cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.